ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Willy Lamothe, le cow-boy fantaisiste. Pendant très longtemps, il a chanté le plus vieux répertoire de l'Amérique. Et puis on l'a vu au cinéma, dans des rôles et dans des films qu'on n'oubliera plus. Parce qu'il est devenu presque une institution. Parce que tous les publics, un jour ou l'autre, l'applaudissent. Je suis vraiment très heureux de présenter le trophée témoignage à Willy Lamothe. Quand il reçoit le trophée témoignage de la disque des mains d'Yvan Dufresne en 1981, Willy Lamothe est un homme malade, diminué depuis déjà quelques années. Ce trophée, qu'on lui remet donc en 1981, vient saluer une carrière de près de 40 ans, durant laquelle Willy Lamothe aura composé quelques centaines de chansons et vendu autour de 6 millions de disques. Vedette du petit écran, avec sa populaire émission Le Ranch à Willy, Willy Lamothe s'illustrera aussi au grand écran. Sa participation dans le film de Gilles Carle, La mort d'un bûcheron, l'amènera jusqu'au Festival de Cannes en 1973. Je suis un cow-boy canadien qui parcourt les prairies. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été amené à faire des chansons de cow-boy? Pour commencer, je faisais des imitations. Je chantais, je faisais du Trenet, du Yves Montand et du Maurice Chevalier. Et je m'accompagnais, par exemple, avec une guitare. Ça, j'avais la manie de la guitare. Alors, un bon jour, j'ai rencontré un des premiers de la compagnie RCA Victor. Et puis, il y avait des demandes pour des chansons western en français. Et puis, il n'y en avait pas. Alors, on m'a demandé si j'étais capable de faire une chanson en français. Paroles et musique, par exemple. Alors, j'en ai fait deux. J'ai fait « Je chante à cheval » et « Je suis un cow-boy canadien ». Et on m'a lancé sur disque. C'était pas votre répertoire? Mais étant jeune, à l'âge de 10-12 ans, je chantais des chansons en yodeling, par exemple. Parce que j'écoutais Whiff Carter dans le temps. Oui, c'était à grande mode à ce moment-là. C'était à grande mode. Et puis, sur les réseaux de Radio-Canada anglais, on attendait Whiff Carter chanter tous les après-midi de 3h moins 15 minutes à 3h. Alors, j'avais pris le goût de ça, puis j'aimais ça, ces balades-là, ça disait quelque chose. C'était simple, et puis ça avait de l'entrain, et puis ça prenait auprès du public, alors c'est comme ça. Je travaille pour gagner mon pain, aussi de mon cheval gris. Il est si heureux, il est heureux, il est heureux, il est. Sur la chanson « Je suis un cow-boy canadien », l'un de ses premiers enregistrements, qui a été un succès d'ailleurs, Willy Lamothe raconte ses débuts dans la chanson à l'émission « Partage du jour » en 1964 pour nous raconter le parcours assez incroyable de Willy Lamothe, le succès aussi très considérable qu'il va remporter tout au cours de sa carrière. Je reçois Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, auteur de nombreux articles sur Willy Lamothe. Il a aussi animé une émission de musique country-western à la radio. Pierre Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que ça nous permet tout de suite de réaliser que, au départ, Willy Lamothe fait un petit peu de la chanson country western par hasard. Il vient pas de là du tout. Dans ses goûts, par exemple. Non, c'est un homme de culture populaire en général, en fait. On se rend compte que ses idoles, dans sa jeunesse, étaient Trenet, un peu plus tard, Tino Rossi aussi. On se rend compte aussi que c'est un gars qui a fait de la danse avant d'avoir fait de la chanson. Il a été professeur de danse, il raconte souvent en entrevue aussi. Il s'appelle d'ailleurs, puis il y aura une chanson, lui-même s'appelle le cowboy fantaisiste. Absolument, puis le fantaisiste, c'est pas un terme qu'on utilise vraiment aujourd'hui, mais dans les années 30, 40, 50, on pense notamment au Girola qui utilisait le terme fantaisiste pour se décrire, qui décrivait ces personnes qui faisait à la fois des numéros de chant, des numéros de comédie, qui racontait des histoires drôles. Mm-hmm. Et Willy Lamothe, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Comme un homme de variété. Absolument. Il va d'ailleurs participer dans les années 50, il va tourner, il va faire des tournées avec la troupe de Jean Grimaldi aux côtés d'Olivier Guimond, par exemple. Oui, et il a une petite expérience de troupe lui-même avant d'arriver avec la troupe Grimaldi, une troupe autoproduite. Mais dès le début des années 50, il va tourner avec Jean Grimaldi au Québec et aux États-Unis aussi, dans les villes de la Nouvelle-Angleterre, qui a des communautés francophones. Et donc, ces spectacles-là, on le sait, de la façon qu'ils étaient construits, il y avait enchaînement de numéros comiques, de numéros de chant et tout. Et assez rapidement, il va être une des têtes d'affiche. En fait, on lit dans ses biographies qu'il est en haut de la marquise avec Manda Parent, Olivier Guimond et compagnie. « Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare, je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Parce que j'ai fait cette chanson-là, je chante à cheval, pour rimer avec toujours, ça me prenait une place dans l'Ouest canadien qui finissait par OUR. Alors, il a fallu que j'aille voir mon frère. Maintenant, il y a une place qui s'appelle OUR dans l'Ouest canadien. Ils m'ont dit, oh oui, Gravelbourg, ça marche. Ah, parce que vous n'êtes pas de l'Ouest canadien. Non, je suis de l'Est de Saint-Hyacinthe. Un cowboy de l'Est. Vous êtes déjà allé dans l'Ouest? Jamais, jamais. Les enregistrements d'un cowboy de l'Est, comme vous dites vous-même, sont-ils connus dans l'Ouest canadien? Certainement, parce qu'on m'a dit, il y a un de mes amis ici à Radio-Canada, Henri Bergeron, qui a travaillé longtemps là-bas à Saint-Boniface. Et puis on m'a dit qu'il recevait beaucoup de lettres pour ce genre de programme-là et que là-bas, ça marchait beaucoup. Et que mes disques tournent depuis 18 ans sur les ondes tous les jours. Et je pense que je peux le confirmer. J'étais à Edmonton, en Alberta, et tous les jours, au Ranch 680, il y avait des chansons de Willie Lamotte. Bon, voyez-vous, je viens d'apprendre une autre chose. Et j'entends de très loin vos mélodies chanter pour chasser mes ennuis. Encore une fois, Pierre Lavoie, en écoutant cet autre extrait de l'émission Partage du jour, diffusant 64, on se rend bien compte que Willie Lamotte, au départ, vraiment, il est assez loin de la culture et de la musique country-western. Mais en 46, parce que contacté par des gens de RCA Victor, il va enregistrer deux chansons qui vont faire de lui très, très rapidement une vedette. « Je chante à cheval » et « Je suis un cow-boy ». Il va même incarner, même s'il connaît assez peu l'Ouest canadien, le cow-boy canadien lui-même. Qu'est-ce qui explique, ça va être fulgurant, là. Qu'est-ce qui explique ce succès immédiat? Bien, il y a quelque chose qui est de l'air du temps, si on veut, parce que dans les années 40, on le sait, bien sûr par la radio, bien sûr par le disque, mais surtout par le cinéma aussi, la figure du cow-boy est omniprésente avec les Roy Rogers, Gene Autry, et Willie Lamotte va réussir à incarner peut-être, parce qu'il a ce côté comédien-là en lui aussi, on le sent dans l'interprétation de ses chansons, il est très ludique, il va réussir à donner une espèce de candeur, une espèce de fraîcheur à ce style-là. Dans le contexte canadien-français. Un cow-boy d'ici, ça n'existe pas à ce moment-là. Non, et c'est drôle aussi parce qu'il va souvent répéter l'anecdote qui s'est produite à Sorel à la fin des années 40 devant un auditoire de 5000 personnes pour une émission de radio où il devait arriver sur un cheval et que le cheval s'est cambré, qu'il est tombé devant le public. Mais on se rend compte qu'il joue beaucoup sur cette anecdote de cow-boy-là. Ouais. On se rend compte que pour lui, c'est important. L'authenticité ne passe pas par le fait qu'il ait grandi sur une ferme puis qu'il ait fait du cheval quand il était plus jeune. L'authenticité passe par le fait qu'il réussit à transmettre à son public l'amour d'une chanson, l'amour d'un style. Et des chansons qui doivent être pour lui, justement, authentiques et simples. Quelle vision il a de la chanson Willie Lamotte? On l'écoute à l'émission Vous êtes reporter, au micro du jeune Jacques Languirand à l'époque. On est en 1962. On assiste actuellement, bien sûr, à une vague de jeunes chansonniers qui ont beaucoup de talent, L'Éveillé, etc., Fernand, etc. Est-ce que vous, qui êtes un homme essentiellement populaire, est-ce que vous leur reprochez à ces chansonniers quand même de ne pas aller suffisamment vers le public? Bien, savez-vous, je ne veux pas frapper ces chansonniers-là, car, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de talent. Mais seulement qu'ils ne frappent pas la masse avec ça, ces chansons-là. Non. Non. J'ai fait le tour des magasins de disques mais je vous en prie. Pour voir ce que les gens voulaient avoir. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait des messieurs de la province, en province, qui s'achetaient des guitares, par exemple, et que ça faisait une semaine qu'il étudiait la guitare. Naturellement, il savait à peu près deux ou trois accords. Mmh. Il faisait passer des disques au magasin de musique, faisait tourner des disques, et il choisissait des chansons. Parmi ces disques-là, il y avait des chanteurs, des très belles chansons, des gars qui chantent très bien, mais qui étaient assez difficiles, par exemple. Hein? Oui. Parce que le gars ne s'accompagnait pas avec une guitare, ou l'orchestre, il y avait trop d'affaires dedans. C'était compliqué pour eux. Ils prenaient une de nos chansons, qui est facile, qui a deux accords, et puis le gars apprenait la chanson, et dans 24 heures après, il arrivait dans une losse, puis il chantait la chanson, la même chose qu'on est capable de faire, nous. Ça, c'est votre base pour vous, lorsque vous faites une chanson, vous pensez à ça? À tout le monde. Je pense à la masse qui aime les choses faciles, qui peuvent les apprendre, et puis qui peuvent les exécuter en public. Alors, à quoi se résume une bonne chanson pour Willie Lamotte, Pierre Lavoie? où la mode va constamment revenir sur le fait qu'il chante pour les gens simples, qu'il chante la misère quotidienne. Lui-même va souvent revenir sur les anecdotes de sa propre jeunesse, qui a été élevé dans une famille de 9 enfants avec un père qui devait, en plus de travailler sur les chemins de fer, arrondir les fins de mois en jouant de la musique dans les veillées du bon vieux temps. Pour lui, c'est important de toujours se rattacher à cette idée-là du citoyen simple, de la personne qui... de faire une musique accessible pour tout le monde. Et ça, ça fait partie de ce qu'est profondément la country western, cette misère, en même temps cette nostalgie rattachée à cette vie très simple. Absolument. Puis c'est, on se rend compte dans l'opposition, il parlait un petit peu des chansonniers dans le dernier extrait. Les thématiques qui sont abordées par le mouvement chansonnier sont souvent plus sociales, sont plus grandes, sont nationales. Lui va chanter des chansons qui s'adressent au quotidien des gens, qui s'adressent à leurs histoires d'amour, à leurs histoires de travail. Il va parler des draveurs de la Mauricie, de la Gaspésie. Il va faire des trucs qui sont beaucoup plus près du sujet, si on veut. Après un départ fulgurant, on a dit, ces deux premiers enregistrements en 1946 font de lui une vedette à peu près instantanée. Ça va très, très bien. Les années 40-50, il fait de la radio aussi. Il est vraiment partout. On l'oublie avec le temps, mais c'est déjà une très grande vedette au Québec. Absolument. Arrive les années 60. Oups, petit glissement, petit ralentissement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois une question d'air du temps un peu. On sait que, justement, dans les années 50, il a fait les premières parties de Gene Autry au Forum et compagnie. Dans les années 60, il y a des nouvelles vagues musicales qui arrivent. On a parlé des chansonniers dans le dernier extrait, mais on sait aussi que le rock'n'roll prenait une place importante. Lui-même, à la fin des années 50, a eu 2 succès. Dans le titre, il y avait le mot rock ou rock'n'roll, mais on sent qu'il y avait une vision un petit peu mitigée, si on veut, de ce changement-là. Ça va faire d'ailleurs partie de sa relation avec son fils, Michel Lamotte, qui lui-même a été dans des groupes yéyé, puis dans le groupe Offenbach, donc les Sphinx, les Grands Blancs, puis Offenbach. Mais on se rend compte donc que Willie Lamotte reste fidèle à son public, veut continuer à faire la musique western, mais que les années 60 sont peut-être moins propices à l'écouter. Si donc, moins de présence médiatique. Il continue son petit bonhomme de chemin, mais en tournée, essentiellement, dans les années 60. Il fait les salles un peu partout au Québec. C'est quand même dans les années 60 qu'il va commencer à jouer avec Bobby Haché. Quelle importance, le guitariste Bobby Haché, quelle importance il va avoir dans la carrière de Willie Lamotte? C'est un virtuose. Hein? C'est un musicien qui, au Québec, en tout cas, se démarque par ses qualités techniques incroyables. Il l'a rencontré dans les années 50, à l'époque où Lamotte animait une émission de radio, Les Cavaliers des Plaines. Mais il va commencer à collaborer avec lui dans les années 60 et particulièrement dans les années 70. Il va jouer beaucoup avec lui, Claude Jobin aussi. Et l'importance qu'il va avoir, c'est un premier lien aussi avec le nouveau son western américain qu'on commence à nommer country, un peu au sud de la frontière. Et Haché a déjà travaillé avec des musiciens de Nashville, a déjà une relation de ce côté-là, et ça va aider Lamotte à faire la transition. Et les années 70, c'est la grande décennie pour Willie Lamotte, et ça commence avec ceci. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comment je t'ai aimé. Mille après mille, c'est vraiment, Pierre Lavoie, la grande chanson emblématique de Willie Lamotte. Pourquoi c'est une si bonne chanson? C'est paradoxal en partant parce que ce n'est pas une de ses compositions. C'est une composition de Jerry Jolie, qui était un chanteur franco-ontarien, qui l'avait composée en anglais, qui avait fait une version anglaise et française de cette chanson-là. Qu'est-ce qui fait que ça a réussi à ce point-là? Parce qu'on le sait, jusqu'à récemment, il y a des reprises qui sont faites constamment de cette chanson-là, notamment Fred Pellerin, qui en a fait une dans les dernières années. C'est simplement une bonne chanson. Exactement. J'imagine, elle transcende le style. On peut se dire aussi qu'à cette époque-là, il y avait quand même une certaine, en anglais on dit un crossover, qui se faisait chez les artistes country western entre la scène pop et la scène country. C'était peut-être encore une fois un petit peu l'air du temps, mais c'est surtout et avant tout une thématique qui collait très bien à Willie Lamotte. Donc ça, c'est le début, 1972, le début de cette décennie qui vraiment va être une grande, grande décennie pour lui. Mille après mille en 72. 74, il donne un spectacle où il se rend à Nashville. Il va donc chanter au Grand Ole Opry. C'est la mecque de la musique country western. Qu'est-ce que ça représente pour lui, ce passage à Nashville en 74? C'est énorme. C'est que ça le valide dans une culture qu'il ne peut pas obtenir ici au Québec, si on veut, parce que la culture western, c'est un peu lui et quelques-uns de ses collègues qui l'apportent, alors qu'aux États-Unis, c'est déjà une culture vivante et commercialement très, très, très fructueuse. Et la mode, en se rendant là-bas, c'est un peu de prendre ses galons. Alors qu'ici, il y a un petit peu de difficulté, peut-être, à obtenir la légitimité qu'il aimerait avoir. C'est la cour des grands, le Grand Ole Opry. Cour des grands. Les plus grands depuis les années 30, en fait, c'est une émission de radio qui est active depuis les années, même la fin des années 20. Et il va être invité par Jimmy C. Newman, qui est un chanteur acadien de la Louisiane. Il va être invité à aller chanter. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il a chanté au Grand Ole Opry des chansons en français, ce qui est quand même particulier. Est-ce qu'il va être intéressé à un moment donné ou à un autre par la carrière américaine? J'ai jamais retracé aucune référence au fait qu'il aurait essayé en anglais de faire carrière aux États-Unis. Par contre, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que dès les années 50, avec la troupe Grimaldi, il va aller se produire justement du côté américain dans les villes comme Woonsocket, par exemple, où il y a énormément de concentration de franco-américains. Et aussi, en 1975, il va faire une tournée de la Louisiane pour le ministère des Affaires culturelles. Donc, il y a déjà une sorte de carrière américaine. Ouais. Les années 70, c'est aussi pour, je vous le disais, c'est vraiment une décennie formidable pour lui. C'est aussi l'animation de cette émission qui va connaître un succès immense, le Ranch à Willie. Oui, le Ranch à Willie qui va diffuser entre 70 et 76 et qui va dépasser très souvent le million de codes d'écoute. À l'époque. Et c'est encore une fois une occasion pour lui de faire le juste milieu entre sa carrière western et sa carrière de variété. Oui. Parce que ça lui permet de faire des numéros comiques avec Doris Lussier, notamment, qui fait le père Gédéon. Et il va inviter tous les nouveaux artistes de la relève western au Québec. Et ça va être une émission absolument marquante qui reste dans les esprits des gens. Et puis les années 70, c'est aussi, enfin, pour lui, son passage au cinéma. Je joue Armand Saint-Amour, propriétaire de cabaret. J'ai tiré une danseuse, 3 balles dans le ventre. Erreur judiciaire. Comment vous vous trouvez au cinéma, Willy? Pourri. Voyons, c'est pas possible. Pas si bon que ça. Non, je sais pas, j'ai le nez long des poutres. Puis... À un moment donné, ils me prennent de travers, j'ai dit, si on prend un écran géant, ça y est, je dépasse le cadre. Non, mais... J'aime ça... Quand je suis loin ou quelque chose comme ça, que ça paraisse pas trop, tu sais. Parce que les rides, vous savez, on paraît plus gros dans un film. On paraît plus vieux. Je crois qu'on m'engage pour ce que je suis. S'ils veulent pas avoir grand-chose, ils m'engagent, ça y est. Willy, si on vous avait dit, là, il y a 10 ans, que vous alliez faire tout ça, que vous alliez partir tourner un film en France, qu'est-ce que vous auriez dit? Non, j'aurais pas pensé. Je pensais jamais de faire ça. C'est arrivé comme ça. Je pense que dans le spectacle, il faut être là au bon moment. Sois toi-même et s'ils ont besoin de toi, tu seras là. La mort d'un bûcheron. Un film qui va au bout de la violence, de l'érotisme, de l'amour. Un grand film avec de grands acteurs. Un film de Gilles Carle. Il va jouer dans quoi? Une dizaine de films, à peu près, Willy Lamotte? Une dizaine de rôles de fiction. 11, si on compte le film qu'il a fait avec Jacques Leduc au début des années 70, mais dans lequel il jouait son propre personnage, qui était un peu biographique, qui était très biographique, en fait. Mais une dizaine de rôles parmi les plus importants dans La mort d'un bûcheron en 1973. Il va même se rendre à Cannes pour l'occasion. Pour Willy Lamotte, c'est encore une fois une belle forme de légitimation, si on veut. C'est un endroit où il va être reconnu comme un artiste, plutôt comme un entertainer ou un homme de divertissement. Ouais. Donc, il joue avec, dans les films, des réalisateurs qui, à ce moment-là, sont les plus grands réalisateurs au Québec, d'un cinéma quand même populaire, on peut dire ça comme ça. Absolument, mais Gilles Carle réussit à faire la transition, justement, entre ce monde du cinéma d'art, si on veut, et du cinéma populaire, ce qui permet probablement à Lamotte de prendre sa place. Ouais. Et de fait, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de voir que c'est par le cinéma qu'il goûtera finalement à cette reconnaissance tardive qui vraiment va venir très, très tard pour lui, dans les années 70. Quelle importance ça aura pour lui, cette reconnaissance-là par l'espèce d'intelligentsia. On écoute d'abord un extrait de l'émission Rue Principale, une émission produite à Trois-Rivières, extrait qui date de 1975. Finalement, on le reconnaît. Parlant de Radio-Canada, on vous a pas boudé un certain temps vous-même? Oui, mais maintenant c'est moi, c'est à mon tour. Parce que je l'ai fait quand j'ai le temps. Je fais des vedettes en direct, ces choses-là. J'ai fait des coqueluches, j'en fais un autre dans 3-4 jours. Je fais ça. Mais on a boudé la Bolduc aussi. Ouais. Vous vous rappelez? La Bolduc, c'était pas chic. C'était pas beau. C'était du mauvais français. C'était du joual. Mm-hmm. Mais lorsque Vigneault est arrivé, puis il a dit, le premier chanteur fantaisiste qui est arrivé, chanteur qui compose ses chansons, c'est La Bolduc. Tout le monde l'a aimé. Parce que c'est Gilles Vigneault qui l'a dit. C'est ça qu'il faut essayer, nous, Québécois. Il y en a qui gênaient d'acheter un disque western, ils cachaient. Maintenant, ils s'amènent avec des disques western comme ça. Parce que c'est la mode. Pourquoi? Parce que Engelbert Humperdinck l'a disqué, Tom Jones l'a fait, tout le monde en fait maintenant. Alors, ça devient correct. Avant de parler de cette reconnaissance et de ce que ça veut dire pour lui, Willy Lamotte, un petit mot quand même, parce qu'on ne l'a pas fait, sur le ton qu'il a en entrevue. Il est très, très drôle. Ce qu'on vient d'entendre, l'entrevue qu'on entendait avec Lise Payette, puis on revient à ce qu'on disait au tout début, l'aspect, il se voit comme un artiste de variété, comme un fantaisiste. Il est très, très drôle, Willy Lamotte. La répartie de Willy Lamotte est légendaire. Il y a une anecdote, on revient sur le Festival de Cannes, il y a une anecdote qui revient souvent, qu'il attendait son repas à un restaurant et il appelle un serveur comme ça, lui demande combien ça fait de temps que vous travaillez ici. Il lui répond 6 mois. Ah, donc c'est pas vous qui avez pris ma commande. Donc il y avait toujours cette façon-là d'avoir une répartie en entrevue qu'il a développée sur les scènes dès le début de sa carrière. Ouais. Bon, revenons à ce qu'on vient d'entendre, l'extrait sur cette bouderie radio-canadienne, mais plus que ça, cette petite élite culturelle qui a longtemps un petit peu snobé Willy Lamotte. Ça lui a fait mal, ça, Pierre Lavoie? Absolument. Puis on le voit dans les écrits de sa femme, notamment, qui a écrit une biographie de son mari. Tout au long de sa carrière, c'est quelqu'un qui, à la fois, entretenait paradoxalement ce désir-là d'être le plus près des gens possible. Et donc, ça crée une dissonance chez lui de ne pas avoir la même réception du côté des élites culturelles, si on veut. Et c'est pourquoi on parle notamment de son passage à Cannes comme un passage où il avait une attitude un peu altière, où il se sentait très valorisé à ce moment-là. Et il y a même certains extraits, par exemple, dans la série télévisée qui a été diffusée à TVA à son sujet, où on montre qu'il était réticent au départ à aller recevoir son prix hommage au Félix, au gala de la disque, parce qu'il avait une certaine rancœur quand même. Ouais. Son héritage, en terminant, il meurt en 92 après une assez longue maladie. C'est un peu triste, sa fin de vie, là, les presque 15 dernières années de sa vie. Mais comment résumer l'importance qu'il aura eue, l'héritage qu'il nous aura laissé? Ça reste d'abord et avant tout le roi de la musique western au Québec. Donc c'est celui qui aura réussi à faire aimer cette musique-là aux Québécois. Et on s'en rend compte par la suite, justement, dans le regain d'intérêt qu'il y a dans les dernières années, dans la légitimation qu'il y a dans les dernières années autour de la musique country western. Willy Lamotte est constamment au centre des hommages. On revient toujours à ses chansons, on revient toujours à son parcours. Pierre Lavoie, doctorant en histoire à l'Université de Montréal, auteur de nombreux articles sur Willy Lamotte, ancien animateur d'une émission, donc amoureux, je présume, d'une émission de musique country western à CISM, batteur aussi, je le signale. Vous faites de la musique vous-même dans le groupe montréalais Cheshire Car. Merci beaucoup, c'était fascinant. Merci, M. Beauchamp. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Souvent pleurer, souvent rêver, tu es la seule que je consolerai. Ne me demande pas si je t'aime, et si parfois j'ai de la peine.